donc un peu les filles. Allez, on va ah si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. Salut, c'est Eric. Bienvenue sur Érigé, la radio de Johnny Hallyday, tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Installez-vous bien, vous écoutez Érigé, Érigé, www.erigfm.fr si vous écoutez via Internet, et puis évidemment sur Bordeaux, le 90.7. Comment allez-vous toutes et tous? Eh bien ça va bien, oui, ça y est, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle émission du mois d'avril. C'est vrai que nous sommes le 10, il n'y a pas eu d'émission live, et j'aurais dû faire une émission live ce soir, mais non. Je vous ai proposé de découvrir ou de redécouvrir l'album Génération Perdue, qui est sorti le 19 octobre 1966. Je vais vous présenter cet album Génération Perdue tout au long de cette émission pendant 2 heures. Nous sommes donc en 1966. Johnny est loin, loin de sa famille, mais surtout loin de lui-même, perdu dans un flot d'interrogations que vont capter ses auteurs et qui seront l'essence même de la génération perdue de l'album, hein, on veut dire. À la fin du mois d'août, le rocker rallie Londres. Il est temps d'attaquer l'enregistrement et ce fameux album qui n'a peut-être que lui, Johnny, n'a pas peut-être la force morale de graver et qui sera pourtant celui de la renaissance. C'est dans ce climat oppressant qu'il enregistre Noir c'est Noir, la version de Black is Black, hit du groupe Los Bravos. Premier extrait de cet album de la semaine, La Génération Perdue, sorti le 19 octobre 1966. Ça vaut le coup de sauver notre amour. rien que pour nous, de sauver notre amour, rien que pour nous. Noir, c'est noir, il me reste l'espoir. Ah, noir, c'est noir, il me reste l'espoir. Noir, c'est noir, il me reste l'espoir. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Ça me travaille, je suis un vrai champ de bataille. J'apprends la vie à l'envers, sur une imitation Fender. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? De l'avenir. Et je trinque au temps présent, sur le zinc de mes 20 ans. Où tu suis le chemin tracé, où tu te fais aimer. Le compte en banque à zéro, va falloir trouver du boulot. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Croise ma route, je les voudrais toutes. Je la joue romantique ou perdant magnifique. La fin était plus classique, Fédie autour et tout le cirque. Je vais devenir au café de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Du bar, je regarde la rue, je me suis mis minable pour avoir l'air respectable. Dans les valises sous les yeux, une lettre commandée. Mon vieux 50 ans passé, si j'en vois tout chier, assis sur mes convictions, je reste comme un con. Je me suis pas vu vieillir, j'ai pas vu le tout venir. Le temps d'un dernier verre, on va bientôt fermer. Je me prépare à partir, mais on venait juste de commencer. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Le mardi 18 octobre 1966, un Johnny Hallyday résolu mais fragile se rue donc sur scène pour une prestation où se joue l'acte ultime de son retour au premier plan. Le concert apparaît vite pour ce qu'il est, un combat, un règlement de compte où compte précisément chacun des coups de la chanson qui ouvre le tour de chant et qui justement s'appelle Les coups. Les moments essentiels de l'album La Génération Perdue, qui sortira le lendemain, sont abordés tour à tour, puis vient le carré d'as final, le pénitencier, un jusqu'à minuit de plus de 5 minutes, une impro genou à terre nommée Confession, véritable exorcisme, et au final, un implacable Noir c'est noir. Après cet octobre historique, il est tout simplement l'un des plus grands artistes français de son temps, au sommet intouchable, inquiet peut-être, mais impérieux et en mesure de tenir tête à ses démons, en menant avec lui au final une génération retrouvée. Et c'est le concert à l'Olympia en 1966, donc le 18 octobre, qu'on retrouve Johnny Hallyday, et avec le titre « Je me suis lavé les mains dans une salle sur un jeu ». Je suis né dans une ville où mon père fut en prison. Je me souviens quand il disait sois sage mon fils, il ne t'arrivera rien. Je ne veux pas que tu connaisses et dans des chiens sur ton dos. Johnny et les années 80. Fils de riche dans une maison triste, vie des rues dont le destin triche. Quand on est nu devant la glace, on est tous devant le temps qui passe. Je chante pour tous ceux qui sont seuls, qui n'ont rien d'autre que leur gueule, et ceux qu'on croit être vernis, et qui cherchent à quoi sert leur vie. Mais qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose aimer? Et qui ose vivre? Qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose vivre? La femme ne mange pas parler, la télé marche pas déranger. Quand on est tout nu et dans son lit, on rêve du même paradis. Je chante pour tous ceux qui sont ivres de leurs espoirs qui se fanent. fatigue, qui sont une force indestructible. La liberté comme dans les livres. Qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose vivre? Qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose aimer? Qui ose vivre? Et les choses, la nuit des villes, quelquefois nos poings se serrent. Il fait chaud dans nos cœurs vides. À quoi ça sert? Aimer, extrait de l'album Rock'n'Roll Attitude, sorti en 1985. Mais revenons à l'album La Génération Perdue, sorti le 19 octobre 1966. Avant cette année 1966, Johnny Hallyday était une idole traversée par de nombreux tourments. Pour mesurer le long et périlleux cheminement que l'artiste vient d'accomplir, il faut se reporter à l'été 1965. Johnny vient de rentrer de l'armée et tout est à reconstruire. Il n'y a plus grand monde autour de lui à part le carré des fidèles. Il fait avec. Il enregistre un album nommé Johnny chante à l'idée, dont il a écrit les musiques. En janvier 1966, on en extrait l'ironique « Le diable me pardonne ». Sous les chansons de scène, le titre ne s'impose pas comme il le faudrait. Mais si l'émission « Salut les copains » le programme à l'envi. Alors que le disque suivant, on en revient aux adaptations, et tant qu'à faire, on s'en remet aux Beatles, hein Thierry, en choisissant un des titres les plus marquants de l'album Rubber Soul, « Girl », qui devient « Je l'aime ». Le 45 tours est en vente à la fin février. Et c'est un EP totalement dans le vent que de l'époque qui cite John Lennon, Bob Dylan et Wilson Pickett. Personne n'y prête attention sur le coup, mais le dernier titre du disque est signé par un certain Mickey Jones. Les séances d'enregistrement du EP ont eu lieu à Paris et à Londres. Et ce Mickey Jones est un de ces guitaristes qui, dans la coulisse, fonde chaque jour son nouveau son Made in London, comme le forge Jimmy Page ou encore Jeff Beck ou encore le grand Eric Clapton. Johnny engage Mickey Jones avec son compère, le batteur Tommy Brown. Et en extrait, voici le titre « On s'est trompé ». Justement, une composition Mickey Jones et Tommy Brown. Notre amour s'efface, nos cœurs ont fait leur temps. Quand la fin menace, mieux vaut partir avant. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. Notre amour s'efface, notre amour est perdu. Et quoi que l'on fasse, il ne revivra plus. Le cœur propose, mais la vie, le genre, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. On s'aimait, mais tu vois, on s'est trompé. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 90. On arrive à présent aux versions originales adaptées pour Johnny Hallyday. Sauf que là, ce n'est pas une version originale que nous allons écouter. Ce sera plutôt une adaptation. Évidemment, c'est l'auteur qui a composé, qui a écrit les paroles, qui l'interprète. Je parle de Long Chris sur le titre La Génération Perdue. Donc, on peut penser que c'est sur de la même période que Long Chris a enregistré cette chanson-là. Mais Long Chris a changé les paroles à la fin. Johnny dit à la fin, faire briller le nom que ton père t'a donné. Alors que Long Chris le modifie avec le nom que l'on t'a imposé. Voilà la différence qu'il y a entre ces deux chansons. Et puis Long Chris raconte un petit peu. Merci Jean, merci encore de m'avoir permis de passer ce petit extrait-là. Long Chris raconte vaguement donc sa première collaboration avec Johnny Hallyday. Je vais vous parler comment est née La Génération Perdue, parce que c'est lui qui a fait la musique. Parce que c'est le premier truc qui a tout déclenché, le texte biographique, autobiographique. Quand il m'a dit, mais j'ai des paroliers, mais c'est des vieux, ils ont 30-35 ans, mais ils me font des chansons, moi je voudrais des textes de nous, des jeunes, il faut que tu me fasses un texte, je lui dis, tu rigoles, avec La Génération Perdue. Tout commence là, toutes les chansons découlent de La Génération Perdue. Après, tout le monde s'est mis à faire des textes biographiques, autobiographiques, sur Johnny, de la chanson sur mesure. Et c'est moi qui ai lancé tout ça, avec Je suis né dans la rue, et toutes les chansons sur Alice après. Années 80. J'étais à l'envers quand ça arrivait. Je peux te dire un truc, quand le jour s'est tombé en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, ils voyaient, ils disaient, ah, Johnny, j'étais pas con, j'étais là, et ouais, je peux rien faire, putain de merde. Ah ben oui, l'album de la semaine est La Génération Perdue. De 66, bien sûr, mais là, on retrouve un titre de cet album-là. Noir c'est noir, version 82. Merci Pierre Millon. À l'époque des synthés, tout ça, batterie électronique, ah ouais, c'était super. Black. c'est noir. Il n'y a plus d'espoir. Oui, gris, c'est gris. Et c'est fini. Oh, oh, oh, oh. Ça me rend fou. J'ai cru à ton amour et je perds tout. Je suis dans le noir. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On retrouve Johnny Hallyday en l'an 2000. C'était à l'Olympia. Avec le titre d'ouverture du show. Ah, c'était bien l'année 2000. Saint-Intimiste, qu'est-ce que c'était bon. Vous écoutez Érigé, la radio de Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Et au fait, il n'y aura pas de Rivière ouvre ton lit pour le 15 juin 2019. Non, non. Pour l'anniversaire de Johnny, non, il n'y aura pas d'album Rivière ouvre ton lit. Non, non, ça sera porté peut-être en fin d'année. Le projet a été prêt depuis près de 2 ans et là, ils ont encore retardé. On attendra. Que voulez-vous ? Voici tout de suite. Je suis dans la rue. premier album de la semaine qui est Johnny, la génération perdue, sorti le 19 octobre 1966. Et en 1966, Johnny livre un premier combat, le 7 avril 1966. Et ce soir-là, il est la vedette de l'émission Le Palmarès des chansons. Et il aligne 5 titres, dont les titres de ses deux derniers 45 tours. Et ce combat-là, il ne le perd pas, mais il en faudra plus pour le remettre en selle. Et c'est à cette époque qu'un drôle de farfadet nommé Antoine chante qu'il faut le mettre en cage à Medrano. Il lui répond sur son nouveau IP, hein, Extended Play, hein, si vous préférez, cheveux longs et idées courtes, qu'il enregistre en partie à Londres avec l'orchestre d'Eddie Vartan et les requins de studio d'Artis Greenslade. Quand on se penche sur le groupe qu'il a constitué autour de lui et qui va dorénavant le suivre sur scène, on se rend compte que les Blackbirds sont au complet, mais n'ont pas encore de nom. Et ce combo, c'est le vrai premier groupe que le rocker réunit autour de lui depuis les fameux Joey et les Showmen de 1964. On trouve là le duo Jones et Brown, bien sûr, Gérard Papillon Fournier à la basse, Raymond Donnez au clavier, Tozan, Delanez et Pisani au sax, Pellegrini et Eddie Vartan aux trompettes. Et c'est peu dire que tout ce monde envoie du bois, notamment dans ses reprises que sont Du Respect ou Les Coups. Des coups, il est certain qu'il en prend, Johnny, alors que l'été arrive. Des bons comme des mauvais. Parmi les bons, la naissance d'un fils nommé David le 14 août. Parmi les mauvais, ce climat impossible que vivent tous les artistes mariés à une autre artiste et qui vivent sur les routes. Entre Sylvie et Johnny, donc ça brinque-balle un peu. Et ça va pas très fort côté finances non plus, depuis que le fisc réclame de tels arriérés que la maison Hallyday ne sait pas comment elle pourra faire face. Voici le titre suivant que je propose de cet album, La Génération Perdue, La Fille à qui je pense. S'il fallait te raconter ma vie, on resterait là toute la nuit. Car pour quelques sourires alors, moi j'en ai connu des temps morts. Et malgré l'amour que tu me donnes, tu n'en feras jamais assez. Car c'est l'alcool, lui, qui me donne les plus beaux rêves que je fais. Plus belle que toi. Et dans ce moment-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Je sais bien qu'autour de moi on dit que de jour en jour je me détruis. Sans l'amour qu'elle m'avait donné, ça ne me sert à rien d'exister. Chaque fois ton cœur, lui, me pardonne. Mes amis viennent me consoler. Mais c'est l'alcool, lui, qui me donne les plus beaux rêves que je fais. Et dans ce moment-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Et dans ce moment-là, la fille à qui je pense, la fille à qui je pense, est plus belle que toi. Il y a une expression américaine qui dit « le rock'n'roll est mort ». Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts. Johnny et les années 2000. je n'ai pas d'amour à te donner, tu vois. Je n'ai pas d'amour, moi j'ai tout donné. Habillé pour l'hiver par l'armée du salut, et le vent mauvais souffle à travers les rues. Non, non, tu le sais, je n'appartiens qu'à toi. Le cœur de l'Afrique vole en éclats, tu vois. Les cours des marchés s'effondrent au plus bas. Tu peux traverser l'océan dans un avion d'argent, et puis boire chaque soir comme s'il fallait t'en finir. Je n'appartiens qu'à toi. Je ne suis pas bon, mais je fais des efforts, tu vois. Je n'ai que cette peau, mais c'est bien assez. Et lorsqu'il pleut dehors, alors pense qu'il pleut sur moi. Tu n'as jamais entendu que j'ai besoin de personne. Non, non, non, tu le sais, je n'appartiens qu'à toi. Les vents sont froids au nord de la terre, tu vois. Et le ciel est noir au-dessus de nos cœurs. Et chaque nuit à mon lit, je déteste la terre. Je n'appartiens qu'à toi. Non, non, tu le sais, je n'appartiens qu'à toi. Je n'appartiens qu'à toi, extrait de l'album Ça ne finira jamais, dans 2008. Paroles et musique sont signées Raphaël. On arrive maintenant avec Antoine Decaune et l'Odyssée de Johnny Hallyday. Aujourd'hui, on va parler du titre Jésus-Christ. L'Odyssée, Johnny Hallyday. Bonjour, c'est l'abbé Decaune. Et aujourd'hui, mes bien chères sœurs et mes bien chers frères, nous allons évoquer notre Seigneur Jésus-Christ, je dirais même ce Jésus-Christ qui est un hippie, chanté par Johnny Hallyday, ou devrais-je dire Joseph Hallyday. Si tu t'appelais Marie, voudrais-tu alors m'épouser et porter notre enfant ? Parmi les nombreux paroliers avec lesquels Johnny a travaillé, Philippe Labrault tient une place à part. Pour commencer, il n'est pas issu du tout, mais alors pas du tout, du milieu du rock. Pas même de la chanson. C'est un personnage cultivé, lettré, journaliste, écrivain, cinéaste, que sais-je encore. En 1969, quand il réalise son premier film, Tout peut arriver, Philippe Labrault demande à Eddie Vartan, le frère de Sylvie, d'en composer la musique. Le thème principal est chanté par l'excellent Nino Ferrer. Tu repartiras et tu rechercheras quelque chose ou quelqu'un comme tu l'as fait déjà. Eddie Vartan présente bientôt son beau-frère à Philippe Labrault. Bien que venant d'horizons sociaux fort différents, Johnny et Labrault ont au moins une passion commune, l'Amérique. Philippe Labrault y a vécu, il en a tiré la matière de plusieurs livres, y compris un recueil de souvenirs, L'étudiant étranger, un best-seller récompensé par le prix Interallié. La tentation d'écrire des textes pour Johnny s'impose rapidement comme une évidence. De cette rencontre naîtront de nombreuses réussites telles que celle-ci, On me recherche. On me recherche en Bourgogne, on me recherche en Vendée, on me recherche en Gascogne, on me cherche dans le Lyonnais. En voyage aux USA, il n'a pas échappé à Philippe Labro que certains hippies, avec leur barbe et leurs cheveux, ressemblent étrangement à Jésus-Christ. Et oui, qu'il soit en prime non violent et ne cherche pas à s'enrichir, mais au contraire à partager, souligne encore le rapprochement. Quant à Johnny, ça fait un moment qu'il chante des thèmes bibliques. Avec une seule poignée de terre, il a créé le monde. Et quand il eut créé la terre, tout en faisant sa ronde, le Seigneur jugeant en somme qu'il manquait le minimum, il créa la femme. Et l'amour qu'elle a donné aux hommes. Sur le thème de Jésus-Christ, Philippe Labro conçoit une chanson pour Johnny dont Eddy Vartan compose la musique. Le texte est volontiers provocateur. Jésus fume de la marijuana, il a un regard bleu qui plane. Le Christ indéfoncé? Ah, c'est dingue, non? Et que penser de ses autres assertions? Il aime les filles au sein nu. Il revient du festival de Woodstock et le FBI veut le mettre en croix. Sacrilège! Comme par hasard à sa sortie, le disque fit scandale. Certains n'hésitèrent pas à demander son interdiction, la tête de l'auteur, qu'il n'obtint jamais, voire l'excommunication de son interprète. Une quarantaine d'années plus tard, tout cela semble bien innocent. Écoutez ça. Johnny chante Jésus-Christ. Et non pas l'inverse. S'il existe encore aujourd'hui, il doit vivre aux États-Unis. Il doit jouer de la guitare et coucher sur les bancs des gares. Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus, Jésus-Christ est un hippie. Poncho mexicain sur le dos, autour de son front un bandeau. Il est barbu et chevelu, il s'est battu à Chicago. Il aime les filles au sein nu. Il est né à San Francisco. Oui, Jésus, Jésus-Christ est un hippie. Dans les parcs et le long des docks, il vit dans un sac de couchage. De Woodstock, c'est lui qui soigne les blessés. Oui, Jésus, Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ est un hippie. Son père s'appelait Joe, je crois. Sa mère s'appelait Mary, je crois. Il a 33 ans, je crois. Le FBI lui court après, je crois. Et s'ils arrivent à le coincer, ils mettront notre ami en croix. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. Johnny et les années 70. Et par ici.

Retour à l'album de la semaine, qui est La Génération Perdue, sorti en 1966. Et Johnny part donc pour Londres en 1966. Londres pour enregistrer un vrai album de pop anglaise, intégralement, purement et simplement rock anglais autour des Blackbirds. Ce disque du renouveau, ça fait un an que Johnny le prépare dans sa tête. Le 33 tours est mis en chantier à la fin de l'été à l'Olympic Sound Studio. On s'y installe du 22 au 24 août, puis du 1er au 9 septembre, avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. S'il se loupe, il est mort. Le choix des chansons se fait autour d'un mix de titres originaux et d'adaptations. Côté adaptation, on regarde notamment du côté de la country blues façon Stones ou Animals, des Beatles, d'un nouveau groupe nommé The Troggs et d'une formation nommée Los Bravos. Et du côté création originale, Johnny s'en remet, ben oui, oui, si, oui, oui, aussi, à Johnny, hein, et à ses directeurs d'orchestre, donc le duo Jones et Brown, et un nouveau venu dans la bande, Jacques Revaux. Hors catégorie, Don't Need Nobody est chanté en anglais avec Johnny dans les chœurs. Le titre donne une idée de la puissance du son que peuvent dégager les Blackbirds. Et c'est le son à l'idée des mid-60s. Ce même son qui emmène Je veux te graver dans ma vie, Noir c'est noir et Je me suis lavé les mains dans une eau sale. Et voici aussi à présent une autre adaptation du titre de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Voici la version de John Hayden dans l'album de la semaine, La Génération Perdue. Qu'un homme sans destin et sans rien. Et quand pour lui tout s'achève, quand il reste seul avec sa vie, il cherche l'oubli. Suivre son long chemin où l'on raconte qu'il n'est plus rien. Quand le malheur se lève pour mieux l'arracher à ses amis, il est fini. Et ce temps-là, salut, c'est Johnny. Johnny en live. Et pour l'album La Génération Perdue, il fallait un proche d'entre les proches pour capter les sentiments du moment. Et ce garçon, aux fonctions divinatoires, s'appelle Long Chris. Sur trois titres, l'ami du golf Drew est celui qui analyse le mieux les sentiments violents qu'éprouve Johnny Hallyday. Notamment dans le titre La Génération Perdue, texte complexe qui exprime exactement ce que ressentent les teenagers de ce milieu des années 60, hein, et qui se sentent à l'étroit dans un monde paternel hérité de la guerre. Sorti de l'école à 14 ans, certif d'études, études, apprentissage, service militaire, mariage, bébé, pas un mot plus haut que l'autre, rester dans le rang et ne plus jamais en sortir. Voici la génération perdue, version Johnny Hallyday, mais aussi c'est la version Musicorama du 18 octobre 1966. Tendu, tu réclames ta liberté. Un cœur qui ne peut pas et ne veut pas comprendre. Il voudrait te voir derrière son établi, un marteau en main de ta vie. Cinéma. Et dans les froids moments de l'incertitude, il y a au plus profond de ta solitude, derrière les murs de la compréhension, un espoir rempli de passion. J'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue? Oui. Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Eh bien, on va trop vite. La couleur inconnue. La couleur inconnue, rouge des soleils de sang, blanc de mes nuits sans sommeil, bleu de mes rêves d'enfant, noir de mes tristes réveils, la couleur inconnue. La couleur inconnue, gris des tabliers et des cols, vert des rêves qu'on fait à deux, jaune des amours d'automne, bleu des yeux pour un adieu, la couleur inconnue. La couleur inconnue. Vert comme un verre de Ricard, que l'on boirait tous les deux, frais comme le vent du soir, quand est bleu l'eau de tes yeux, la couleur inconnue, la couleur inconnue. Tu es belle quand tu t'appelles. Je peux t'offrir un verre. Qu'est-ce que tu veux boire? Un verre de Ricard? Garçon! Maintenant, on va essayer de continuer, un peu de musique. Voici la version remix de C'est mon imagination de Johnny 67, version 2019, qui est sorti le 29 mars. Ton ombre, elle est là, dans le fond de ma chambre. Seul arrivé de toi, par un soir de décembre, je te revois. Ton visage est brouillé, c'est mon imagination qui vient me jouer un tour. C'est mon imagination, car je suis fou d'amour. J'essaye d'oublier jusqu'au son de ta voix. Effacer à jamais mon souvenir de toi. Je te revois. Et puis tu disparais. Et par mes pleurs, ton visage est brouillé. C'est mon imagination qui vient me jouer un tour. C'est mon imagination, car je suis fou d'amour. Comme un mirage, ton image, elle est bien là. Dans mon imagination, je vois. Comme un mirage, ton image, toujours là. Dans mon imagination, pour toi. Je ne m'y ferai jamais. Y a-t-il un espoir qu'on puisse un jour recommencer? Je te revois. Et puis tu disparais. Et par mes pleurs, ton visage est brouillé. C'est mon imagination et les années 90. Je pense que je suis un chanteur de variété, revu et corrigé par le rock'n'roll, mais je ne suis pas un chanteur de rock'n'roll pur. J'espère que tout va bien, que vous êtes bien aussi sur RIG à écouter Johnny Hallyday tous les mercredis soirs de 22h jusqu'à minuit. Voici tout de suite notre histoire, extrait de l'album 100%, datant de 1999. T'as ni les yeux ni le regard à maquiller en bleu ce qui dans le fond est noir. Tu sais, mes yeux sont ton miroir. Regarde-moi un peu, veux-tu encore y croire? bagarre. Tu me demandes du feu. Minuit sonne quelque part. Tes doigts tremblent un peu, comme dans un mauvais polar. D'un regard tu me dis adieu. Fin de l'histoire. Le 9 septembre 1966, Johnny interrompt les enregistrements, saute dans un avion et se rend à Paris avec son groupe. Il est attendu le lendemain pour un concert monstre dans le cadre de la fête annuelle du journal Humanité. Le 10 septembre, Johnny est seul et on connaît la suite. Il tente de se suicider. Interrompu par le séjour de Johnny à l'hôpital, les séances d'enregistrement de l'album « La génération perdue » reprennent le 30 septembre et s'achèvent le 4 octobre. Et c'est dans les titres enregistrés précédemment que la maison Philips trouve de quoi sortir le nouvel IP qui paraît le 20 septembre. Immédiatement, Noir c'est noir, malgré son texte ô combien pessimiste, marque paradoxalement la fin de la période obscure que vient de traverser l'artiste. C'est un succès immédiat, porté par ce riff de trompette triomphale et cette voix qui semble se confondre avec celle de James Brown. Et pendant cette reprise de session, donc, du 30 septembre au 4 octobre, Johnny enregistra le titre « Je veux te graver dans ma vie ». Et nous allons écouter non pas le titre en entier, mais au moins la séance d'enregistrement. On écoute ça. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je... Oh là. On recommence. Donne-moi à boire, j'ai un chat dans la gorge. Tu as pas du lait, là? Il y a du lait encore, je crois. Tu l'ouvres, le Perrier? Ça donne mal à la gorge, le gaz. Puis ça fait des... Hein? Des boules dans le ventre, ça sert de ça. On y va? J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Soudainement, je suis tombé, et comme ça, je suis resté à chaque instant de ma pauvre vie. Tu n'as rien fait, tu n'as rien dit, je t'ai seulement fait rêver. Tu restes ici, je peux seulement t'aimer. J'étais tout seul, je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivie, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé, ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant, à chaque instant de ma pauvre vie, de ma pauvre vie. Johnny et les années 90. Ma vie privée, je n'en ai pas. Je travaille 11 mois sur 12. Enfin, comme ma vie secrète, dans une année, se complète à un mois. Je ne peux pas trahir mon public pour la bonne raison que 99% de ma vie est à eux. Voici le titre qui date de 1990. Animal. C'est plus fort que de l'amour. C'est plus fort de jour en jour. C'est un mal qui me dévore, qui me ronge et qui me mord. Ah, mon cœur défendant, je deviens dépendant de nos corps à corps où tu me mets à mort. Je ne suis plus autonome, je ne suis même plus un homme. Je t'obéis à genoux avec une chaîne au cou. Quand tu me roues de coups, je deviens comme un fou. Si c'est un jeu que tu joues, alors joue-le jusqu'au bout. Joue tout pour le tout, et tue-moi si tu t'en fous. Je ne suis plus rien ni personne, je ne suis même plus un homme. Je te possédais, tu faisais tout ce que je voulais. Tu as inversé les rôles, j'ai d'abord trouvé ça drôle. Mais maintenant ça va trop loin, même les bonnes choses ont une fin. Je raccroche mon collier, rends-moi ma liberté. Je ne suis plus autonome, je ne suis même plus un homme. en version originale adaptée pour Johnny Hallyday. Tout à l'heure, on a entendu la version française de Quand un homme perd ses rêves. Et évidemment, Rook nous a mis la petite pochette de Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. C'est ce titre-là que je propose d'écouter tout de suite. La version originale, surérigée dans l'émission Johnny 2 à Z. Serré, serré. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En retour de Johnny Hallyday à Marseille, c'était le 17 juillet 1979 avec la chanson païenne, on va dire. Hein, si j'étais un charpentier. Fils sera mort, il aura beaucoup à faire. Johnny à Marseille, le 17 juillet 1979. J'adore ce final sur cette chanson-là. On revient à l'album de la semaine et son avant-dernier extrait, Le jeu que tu joues. Mais on parle encore un peu hein, de cette période-là de 1966. L'album sort donc le 19 octobre 1966, le lendemain du Mizukorama, du deuxième souffle. Et il se compose donc de 11 titres, plus la reprise de Cheveux longs et idées courtes qui semble venir d'une autre époque. La génération perdue est immédiatement perçue par la critique comme l'un des 33 tours les plus importants de Johnny Hallyday et comme une borne essentielle pour l'ensemble des teenagers français qui apprennent, au gré de ces plages, comment être plus adulte, plus fort et comment conserver la même énergie avec sans doute moins d'illusions. La pochette aussi marque une date, son noir et blanc outrageusement tramé entre en résonance avec les clichés véhiculés par les journaux, photos d'ambulances dans le soir, de chambres d'hôpital dont on force les portes. Les portes effectivement, Johnny les force en cet automne 1966 pour une étrange et chamanique traversée du miroir, pour un album exorcisme à jamais gravé dans nos vies. Voici tout de suite le titre, Le jeu que tu joues, version complète. Oui, cet extrait de l'album Deluxe, sorti en 2016. Dis-moi, je voudrais savoir le jeu que tu joues. Dis, je voudrais savoir le jeu que tu joues. Tu l'as vu, j'en ai peur. Le jeu que tu joues. Dis-moi, dans quel cinéma des acteurs le jouent. Dis, je voudrais voir ça, comment ça se joue. Le film est très mauvais. T'as vu ça dans un navet, le jeu que tu joues. La comédie du grand amour, quand tu m'as dit c'est pour toujours. La tragédie pour nos adieux, moi ça me fait. Ça ne sert à rien, le jeu que tu joues. Dis, pour nous c'est la fin, et un point c'est tout. Si je dois en pleurer, j'ai bien le droit de le cacher, le jeu que je joue. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble. Ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Ne t'en fais pas. On a toute la vie. Pour oublier tout ça, il nous reste toutes les nuits. Faire l'amour autant que l'on s'est trahi. À l'infini, je t'aime à l'infini. Ne pleure pas, j'ai déjà pardonné. Regarde-moi, avec le temps, j'ai déjà oublié. On peut s'aimer autant que l'on s'est menti. À l'infini, je t'aime à l'infini. l'amour, on s'est fait mal sans se quitter. Je revenais parfois, tu revenais souvent, le cœur blessé en pleurant. Faisons l'amour comme la première fois, sans se mentir et sans tricher jusqu'au bout de nos joies. Et donne-moi comme avant ce premier cri, à l'infini, je t'aime à l'infini. À chacun notre tour, on a trahi l'amour, on s'est fait mal sans se quitter. Je revenais parfois, tu revenais souvent, le cœur blessé en pleurant. Ne t'en fais pas, on a toute la vie pour oublier tout ça. Il nous reste toutes les nuits pour faire l'amour autant que l'on s'est trahi. À l'infini, je t'aime à l'infini. À l'infini, je t'aime à l'infini. Question, c'est qui ce à l'infini ? Ça ne finira jamais. Johnny et les films. Extrait du film Entre chien et loup. Voici le titre éponyme, la chanson éponyme au titre de la fin du film. Johnny Hallyday en 2002. Ni le bien ni le mal, ni couché ni debout, ils sont comme ces larmes que l'on verse à genoux. Ils sont comme deux frères, mais tellement différents, qu'ils aimeraient l'enfer si l'enfer les attend. Entre chien et loup, c'est un monde entre nous. Entre chien et loup, c'est l'histoire des voyous. sais tout entre chien et loup. Johnny et les années 80. Oh. Ah. Quel métier fatigant. Les yeux dans le vague, la gueule mal rasée, j'essaye une chanson d'amour. Depuis que je vis seul, la difficulté s'est trimée avec toujours. Les dames que je vois posées sur mes draps s'en vont vite avec le jour. Je n'ai plus de voix, je fume et je bois, je garde le sens de l'humour. La fille d'en face, devant sa glace, tire sur ses pas nylons. Puis elle efface d'une main lasse les souvenirs bidons. Et moi je cherche au son. Chaussures dorées, pavés mouillés, oui j'en ai pour mon pognon. Je ne veux plus aimer personne, je ne veux plus jamais souffrir. Je ne veux plus rien qu'on me donne, je vais toujours partir. De la vague, les yeux fatigués, je cherche sur un blues en sol. Tous les mots d'amour que j'ai oubliés, peut-être sur un la bémol. Mon regard d'acier, bleu dans la fumée, se pose sur du velours. Elle est encore là, elle sait que je la vois, avec son client de jour. La fille d'en face finit sa passe et vient sur le balcon. Sa bouche rouge, sa peau dorée, oui au-dessus du néon. Elle est étrange, elle me dérange, elle me file le frisson. Je tire le score, pas de remords, j'ai un cœur de béton. Je ne veux plus aimer personne, jamais souffrir. Je ne veux plus rien qu'on me donne, je veux toujours partir. Pour un homme public assez pathétique, plein de contradictions, c'est quand tout se calme que couvre le drame, arrive le baston. Et cette fille publique qui plume et astique sa dizaine de pigeons. Corps électrique aux ondes élastiques fait rougir mon néon. Elle est en face devant sa glace et fredonne ma chanson. Montrer de l'ombre tout con. Et je t'aime déjà, je bande pour toi. Fais monter ma tension. Et dans la rue, pas reconnu, me prends pour un micheton. Je ne veux plus aimer personne. Je ne veux plus jamais souffrir. Je ne veux plus rien qu'on me donne. Je veux toujours partir. Je ne veux plus aimer personne. Je ne veux plus jamais souffrir. Je ne veux plus rien qu'on me donne. Je veux toujours partir. Je ne veux plus aimer personne. Je ne veux plus jamais souffrir. Je ne veux plus rien qu'on me donne. Je veux toujours partir. Je ne veux plus aimer personne. Je ne veux plus jamais souffrir. Je ne veux plus rien qu'on me donne. Je veux toujours partir. On revient à l'album de la semaine qui est La Génération Perdue de 1966, et après le creux de la vague, Johnny revient comme le Messie, et grâce aussi à ce Musicorama du 18 octobre 1966, le lendemain sortait l'album, donc La Génération Perdue. Dernier extrait que je vous propose, c'est le titre Elle reviendra, avec une composition de Johnny Hallyday. Elle reviendra. Je n'ai plus rien, plus rien. Elle reviendra. Oui, oui. Comme elle était autrefois, autrefois. Comptez pour moi, pour moi. Pour retrouver son rire, sa voix et sa douceur, je chercherai le pire qui faisait mon malheur. Croyez-moi. Johnny et les années 60. Si ça continue, le rock va avoir une mauvaise réputation. Alors que normalement, le rock, c'est comme une musique saine pour les jeunes. Et c'est très embêtant. plein cœur, moi je veux l'aimer. À plein cœur comme un talion, oui. Oh oui. Oui, rien ne pourra arrêter mon amour aujourd'hui. Je suis prêt à risquer toute ma vie, oh oui. Oh oui. À plein cœur vers toi, mon amour. À plein cœur, oui, vers toi, je cours. Oh oui. Avenir. À plein cœur, il nous faut partir. Oh oui. Oh oui. Ouais, pour mon amour, je suis prêt à me battre aujourd'hui. J'ai attendu ce jour toute ma vie. Oh oui. Oh oui. À plein cœur, moi je veux l'aimer. À plein cœur, comme un ami. Oh oui. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Nous venons à une idée courte pour terminer cette émission. Musicorama européen à l'Olympia le 18 octobre 1966. J'ai même grandi, je voudrais ressusciter. Ils seraient étonnés quand on leur apprendrait que pour changer le monde, il suffit de chanter. Merci à tous d'avoir écouté et assisté à cette émission. Participez également sur le compte Facebook. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure Johnny de A à Z. Merci encore et à toutes de votre fidélité à cette émission. Et demain, on se retrouve du côté de chez Jean, hein, sur Radio Web Passion pour Au cœur de Johnny. À bientôt à toutes et à tous. Bonne nuit. Ciao, ciao.